99, activation orale, jamais, toujours. Répondez selon l'exemple. Vous entendez 1. Il a toujours de bonnes notes. Et vous dites ? Mais non, il n'a jamais de bonnes notes. Alors, voyons si vous pouvez faire ça. 2. Vous avez toujours de bonnes notes. Mais non, je n'ai jamais de bonnes notes. 3. Mais si, vous avez toujours eu de bonnes notes. Oh non, je n'ai jamais eu de bonnes notes. 4. Vous vous moquez toujours de moi. Mais non, je ne me moque jamais de vous. 5. Elle se moque toujours de lui. Mais non, elle ne se moque jamais de lui. 6. Elle se moque toujours de nous. Non, elle ne se moque jamais de vous. 7. Elle fait toujours ce qu'elle veut. Non, elle ne sait jamais ce qu'elle veut. 8. Vous faites toujours ce que vous voulez. Ah ben non alors, je ne fais jamais ce que je veux. 9. Vous avez toujours aimé les maths. Moi? Non, je n'ai jamais aimé les maths. 10. Ah, vous êtes toujours en vacances. Moi? Je ne suis jamais en vacances.